mardi à 13h. Qui est-ce qu'on retrouve? Eh bien, Joël, comme chaque semaine, Joël Constanza, qui est chargé de com pour l'UFC Que Choisir. Bonjour, Joël. Bonjour. Alors, Joël, en cette période de consommation de chocolat, on parle beaucoup de contamination du chocolat au cadmium. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, qui est difficile à dire d'ailleurs, et quels sont les risques pour la santé? Alors, en fait, le cadmium est un métal lourd hein, qui est normalement, naturellement présent dans les sols. Donc, cela ne serait pas trop grave. Alors, malheureusement, les activités humaines, comme les activités agricoles et industrielles, contribuent en fait à augmenter sa présence dans les sols, mais pas que, parce que aussi dans l'air et aussi dans l'eau. Alors, en France, les matières fertilisantes, qui représentent en moyenne plus de 80% des apports en cadmium au sol agricole, eh bien, ce sont les premières sources, ce sont les engrais minéraux phosphatés, mais aussi les effluents d'élevage, et puis les boues et les composts aussi. Les médecins ont lancé une alerte récente qui a remis le cadmium sur le devant de la scène, mais cela fait des années et des années que les autorités sanitaires mettent en garde contre ce polluant. Comment est-ce qu'on y est exposé alors? En fait, c'est par l'alimentation qui est de loin la première source d'exposition des consommateurs. Elle y participe à environ hauteur de 90%. Et en plus, chez les fumeurs, le tabac constitue une source supplémentaire d'exposition au cadmium. Alors, les plus gros contributeurs, on va dire, je ne sais pas comment le dire, sont des produits à base de céréales comme le pain, les pâtes, le riz, les céréales, les biscuits, les barres céréales, l'hier, les pommes de terre, les fruits de mer, et puis aussi certains légumes verts comme les épinards, et puis, on en parle, le chocolat. La plupart des aliments que vous avez cités, c'est quand même des choses où on se dit c'est plutôt sain à manger. Comment le cadmium se retrouve justement dans nos aliments? Comme je vous l'ai dit en début, le cadmium est naturellement présent dans les sols. Donc, il y a une partie qui est naturelle et une grosse partie qui provient des activités humaines. Donc, le cadmium pénètre dans les végétaux par leurs racines, il contamine la plante et puis du coup, toute la chaîne alimentaire. Mais alors du coup, est-ce que les aliments issus de l'agriculture bio, par exemple, sont moins contaminés par le cadmium? Alors, moins contaminés, oui, mais ils peuvent contenir aussi du cadmium, parce qu'il y a aussi certaines matières fertilisantes qui sont autorisées en agriculture biologique, comme les engrais minéraux phosphatés, ce qui est la roche broyée, et qui est considérée comme un produit naturel, et ces matières fertilisantes organiques qui peuvent aussi contribuer aux apports de cadmium dans les sols. Donc oui aussi, les aliments issus de l'agriculture bio sont aussi contaminés. Concrètement, c'est quoi les risques pour l'homme justement sur la santé? Alors, on sait que le cadmium, il est classé quand même comme cancérigène, mutagène, et toxique pour la reproduction. Super. Oui. Alors, s'il est reconnu comme cancérigène pour le poumon en milieu professionnel, il est aussi suspecté d'induire d'autres cancers comme celui du pancréas, de la vessie, de la prostate et même du sein. Et puis, si on va même encore plus loin, il y a des scientifiques qui pensent qu'en cas d'exposition prolongée, et même à faible dose par voie orale, le cadmium peut entraîner des atteintes rénales, augmenter le risque d'ostéoporose et aussi de fractures. Bon, c'est rassurant tout ça. Alors, les tablettes et autres confiseries à base de cacao peuvent afficher des teneurs élevées en cadmium. Une consommation régulière de chocolat peut donc contribuer notablement à notre contamination, si je comprends bien. Oui, oui. Alors attention, à raison d'une barre de chocolat par jour, soit environ 20 grammes, ce sont environ 9 microgrammes de cadmium qui sont potentiellement ingurgités quotidiennement. Bon, alors cette portion apporte 85% de la dose maximale chez l'enfant et le tiers chez l'adulte. Alors, bien sûr, si vous prenez une tablette entière, elle apporterait, bien sûr, au-delà de la crise de voix, entre 3 et 9 fois la dose maximale. Donc, attention au goûter et petit déjeuner des enfants, qui contiennent souvent des quantités non négligeables de chocolat. Je suis vraiment décidément très rassurée par cette chronique. D'où vient le cadmium dans le chocolat? Parmi les ingrédients d'une tablette, bien sûr, c'est le cacao qui est la source de cette contamination. Et là, c'est la géologie qui est responsable. Alors, comme je l'ai dit et répété plusieurs fois depuis le début de cette chronique, ce métal, il est naturellement présent dans la croûte terrestre, dans des concentrations plus élevées dans certaines régions du globe. Et en se dégradant, la roche libère le cadmium qui est ensuite absorbée, comme je l'ai dit aussi, par les plantes. Alors en fait, c'est le cas dans de vastes zones de culture du cacao, au Pérou, en Équateur ou en Colombie. Mais ces pays ont développé davantage la production de cacao bio. Eh bien oui, et là c'est un comble d'ironie parce que ces pays ont développé davantage la production de cacao bio et il y a beaucoup de filières équitables qui se sont implantées là-bas, beaucoup plus qu'en Afrique de l'Ouest ou en Asie ou du Sud-Ouest. Et en fait, c'est ce qui explique les mauvais résultats sur ce critère des références bio et équitables. Bah moi qui me pensais à l'abri en consommant Max Avelar, je crois que du coup, je me suis trompée. Non, vous n'êtes pas trompée, parce qu'on va dire que ce sont quand même des quantités. Il faudrait vraiment que vous mangiez du chocolat matin, midi, soir. Mais il n'y a pas que le chocolat, parce que là, on cible là-dessus, mais en début de chronique, en gros, il y en a un peu dans tout. Ah oui, bien sûr, ça, il faut être clair. Hein. Oui. Bon, est-ce que c'est très grave pour le chocolat ? Alors non, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Parmi les aliments très contaminés mais consommés occasionnellement, ça contribue beaucoup moins à une exposition globale que des aliments qui sont moins contaminés mais que vous consommez quotidiennement. Alors pour le chocolat, je rappelle, il contribue en fait, on a calculé, pour moins de 3% de l'exposition. Et ça, quelle que soit la classe d'âge considérée de la population française. Donc il ne fait pas partie, malgré tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit actuellement, des aliments les plus contributeurs. Donc, pas de panique pour tous ceux qui sont allés aux chasses aux œufs ce week-end dans les différents endroits autour d'Amboise. Moi, je suis allé à la pagode de Chanteloup faire ma chasse aux œufs et j'ai mangé mes œufs. Il n'y a pas de problème. Ou au château de la Bourdaisière, il n'y a aucun problème. Vous ne risquez pas grand-chose à manger ces œufs parce que, bien sûr, encore une fois, vous n'en mangez pas des kilos et des kilos. C'est quand même très exceptionnel. Ça dépend, Joël, ça dépend. C'est Pâques. Comment on fait pour réduire les expositions à ce fameux cadmium ? Vous avez, comme toujours, il faut mieux prévenir que guérir. Donc, il faut surtout agir sur les sources de contamination. Alors, bien sûr, on ne peut rien faire contre le cadmium qui est, lui, naturellement dans le sol. Mais ce qu'il faut faire, c'est limiter la contamination des sols agricoles. Donc, il faut réduire les apports de cadmium minéraux phosphatés qui sont commercialisés en France et voir également la révision des engrais parce qu'il faut qu'ils mentionnent notamment leur teneur en cadmium. Et puis allons plus loin, il faudrait aussi promouvoir de nouvelles pratiques agricoles, l'ajustement du type et des quantités de matières fertilisantes, le recours à des techniques permettant de mobiliser le phosphore déjà présent dans les sols et éviter de nouveaux apports. Ou alors, encore, l'utilisation de variétés végétales qui sont moins accumulatrices en cadmium. Voilà, mais tout ça, la mise en œuvre de toutes ces mesures, suppose quand même un engagement de l'ensemble des acteurs pour faire évoluer la réglementation et puis surtout accompagner les acteurs des filières agricoles parce qu'il ne suffit pas de dire, de pointer du doigt, il faut aussi aider à transformer, aider à changer nos pratiques agricoles. Mmh. Le combat n'est pas gagné, Joël, pour l'instant. Je recommande d'ailleurs aux auditeurs, s'ils ne l'ont pas vu, Goliath. Si vous avez eu l'occasion de voir ce film, ça retrace bien un petit peu tout ce qu'on a dit dans cette chronique. Oui, puis vous avez aussi plein de documentaires qui sont sortis sur l'appauvrissement des sols agricoles, qui sont très très intéressants. Et je crois que il ne suffit pas maintenant, on alerte, c'est bien, c'est très très bien, mais ça fait des années qu'on alerte sur ce problème. Mais il faut aussi maintenant changer nos pratiques. Vous prêchez une convaincue. Merci beaucoup, Joël. En tous les cas, on va se réfugier avec notre tablette de chocolat. Oui, alors franchement, faut pas non plus se priver. Le chocolat, c'est bon aussi pour le moral. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine dans cette même chronique, la chronique Conso, avec notre partenaire UFC Que Choisir. Et la semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet qui concernera la pêche. Tout à fait. Très bien. Je n'en dis pas plus. Bon. Et bien, à la semaine prochaine. Au revoir.